بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence maintenant le cours numéro 106 dans l'explication du dars de Kitab al-Tawhid avec l'explication du Cheikh Abdurrahman ibn Hassan al-Sheikh dans son charh Qurrat Uyun al-Muwahhidin avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Donc on est dans le chapitre, toujours dans le chapitre باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله, le chapitre 11, c'est-à-dire on ne fait pas de sacrifice pour Allah dans un endroit dans lequel on égorge pour autre que Allah. Et dans ce chapitre, le Cheikh avait mentionné un verset de Coran et il a mentionné un hadith aussi. Et on était en train d'expliquer le hadith en question. C'est le hadith qui est rapporté selon Thabit ibn al-Dahhak, radiallahu anhu. Selon Abu Daoud, ou rapporté par Abu Daoud, selon Thabit ibn al-Dahhak, radiallahu anhu, et qui mentionne qu'un homme avait fait un vœu, un nadr, d'égorger un chameau ou une chamelle dans un endroit qui s'appelait Bawana. Il demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc est-ce qu'il peut faire ça? Est-ce qu'il peut aller sacrifier cette chamelle à cet endroit? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a posé deux questions avant de lui répondre. Il lui a demandé premièrement, est-ce qu'à cet endroit-là il y avait une idole parmi les idoles de la Jahiliya qui était adorée? Donc ça c'est la première question. Et la deuxième, il a répondu à la négative, c'est-à-dire il a dit non, il n'y en avait pas. Et la deuxième question qu'il lui a posée, c'est est-ce que il y avait à cet endroit-là une célébration, ou est-ce que c'était un endroit dans lequel les gens se réunissaient annuellement pour célébrer? Et il a répondu que c'était pas le cas. Alors à ce moment-là, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, alors respecte ton vœu. C'est-à-dire, tu peux exécuter ton vœu et respecter le vœu que tu avais fait. Mais il a mentionné ensuite que il n'y a pas de... c'est-à-dire, on ne doit pas respecter un adr si ça comprend un péché, donc une désobéissance d'Allah azza wa jal. Et également, tu ne dois pas faire exécuter le vœu ou respecter ce vœu si cela concerne la propriété d'une autre personne. C'est-à-dire si c'est pour quelque chose qui ne t'appartient pas. Donc, on avait commencé à expliquer le hadith dans les explications de Cheikh Al-Fawzan. Maintenant, il restait encore quelques parties du hadith à expliquer. Et c'est la partie, justement, lorsqu'il demande est-ce qu'il y avait un endroit où les gens se réunissaient, hein, soit pour célébrer ou pour fêter annuellement ou mensuellement. Ou... Donc, on va continuer à partir de cet endroit-là. Donc, le hadith, l'endroit où on était rendu, le cheikh, il dit « وَقَالَ هَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِّنْ أَعْيَادِهِمْ وَالْعِيد إِسْمٌ لِمَا يَتَكَرَّرْ وَيَعُودُ لما يتكرر ويعود في الأسبوع أو في الشهر أو في السنة أو بعد مئة عام أو بعد ألف عام, يعني كل ما يعود ويتكرر يسمى عيدا. أوكي. كل ما يعود ويتكرر يسمى عيدا, سواء كان عيدا شرعيا أو عيدا جاهليا. فالعيد الشرعي الذي يتكرر عيد الفطر وعيد الأضحى, وهذا عيد شرعي يتكرر سنويا. والجمعة تتكرر وهي عيد الأسبوع وهي عيد شرعي كذلك. والعيد المكاني وهو المكان الذي يجتمع فيه الناس للعبادة في وقت محدد, مثل الاجتماع في منى وعرفة وموسم الحج, والاجتماع في المسجد الحرام للصلاة والعبادة هذه أعياد مكانية شرعية، وأما الأعياد غير الشرعية فهي ما كان من أمور الشرك والكفر، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا، يعني مكانا للعبادة تجتمعون عنده، لأن هذا يؤول إلى الغلو. ولهذا لم يكن الصحابة رضوان الله عليهم يجلسون عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقفون عنده، وإنما كانوا يسلمون عليه إذا قدموا من سفر ويمضون، ولا يحصل عنده اجتماع Donc on va expliquer ce qu'on vient de lire maintenant en arabe. Le cheikh, il dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a posé la question à cet homme, est-ce qu'il y avait à cet endroit-là un endroit où les gens se... Est-ce que c'est un endroit dans lequel les gens se réunissent régulièrement? Et le mot « Eid » en arabe, hein, ça vient du verbe « Aada ya'oudou »« Aada ya'oudou » qui veut dire le fait de revenir. Hein, quelque chose qui revient tout le temps. Donc, « Al-Eid », c'est quelque chose qui se répète tout le temps et qui revient. Soit de façon hebdomadaire, soit de façon mensuelle, soit de façon annuelle, ou bien soit à chaque 100 ans, ou bien soit à chaque 1000 ans, et ainsi de suite. Donc, toute chose qui se répète et qui revient constamment, on l'appelle l'Eid. Que ce soit quelque chose qui est légiféré dans l'islam, ou même si ce n'est pas légiféré, on l'appelle l'Eid aussi. Même si c'est un Eid de la Jahiliya, on l'appelle l'Eid. Hein? Et l'Eid al-Shar'i, parmi les exemples d'Eid qui sont légiférés dans l'islam, il y a Eid al-Fitr et Eid al-Adha. Ça, c'est les deux Eid qui sont légiférés. Et ça, c'est annuel. Et il y a le Jumu'ah qui se répète chaque semaine. Ça, c'est hebdomadaire. Et c'est le Eid de la semaine. D'accord? Sinon, il y a l'Eid des gens de Bid'ah, comme le Mawlid. Justement, les gens, ils vont le célébrer là, il n'y a pas, dans pas grand temps. Et il y a d'autres exemples aussi des Mawasim que font des gens de Bid'ah aussi. Lorsque c'est par exemple la date de naissance de leur cheikh ou de la tariqa, alors ils vont se réunir, faire yani, par exemple un pèlerinage à la tombe du cheikh, et ils vont faire ça annuellement. Bon, à l'Ashura, comme tu dis, Ashura, c'est un jeûne qui a été légiféré de jeûner ce jour-là, mais il y en a parmi les gens de Bid'a qui en font, comme tu dis, une fête, comme chez les Shia. Ils se frappent, ils se coupent avec des couteaux, ils se lamentent, soi-disant pour manifester leur tristesse vis-à-vis de la mort de Al-Hussein. Hein? Et ça c'est des bid'a, ça fait partie des innovations. Et il y en a beaucoup d'autres également que les gens de bid'a ont inventé. Tout ça, c'est des Eid qui ne sont pas légiférés. Et le Eid peut être un Eid de lieu. Il peut y avoir un Eid par rapport au temps, c'est-à-dire un moment dans l'année dans lequel les gens se réunissent, et un Eid par rapport à un lieu, c'est-à-dire lorsque des gens se réunissent dans un endroit spécifique. Et ils se réunissent dans le but de faire une bid'a ou de faire si c'est quelque chose qui n'est pas légiféré, ils font une bid'a à cet endroit-là. Comme ils le font par exemple dans beaucoup d'endroits dans les pays musulmans, ils vont à la tombe d'un cheikh pour faire un pèlerinage, hein, et pour chercher la baraka soi-disant. Et ils font du shirk et du kufr dans cet endroit-là. Sinon, les rassemblements qui sont légiférés dans des lieux spécifiques dans l'islam, il y en a, comme par exemple le fait de se rassembler lors du hajj. Et on se réunit par exemple à Mina et à Arafat, hein, et à Muzdalifa, dans ces endroits-là. Ça, c'est légiféré. Al-Ijtima' fil Masjid al-Haram, donc à la mosquée sacrée, hein, à Mecca, de se réunir là-bas pour faire la salat et pour l'adoration. Donc ça, c'est des lieux de rassemblement qui sont légiférés. Tandis que ceux qui ne sont pas légiférés, eh bien, c'est les endroits de shirk et de kufr. Hein? Donc, il y en a beaucoup. Les hindous, par exemple, les hindous, ils ont un endroit, ils vont régulièrement chaque année pour faire des adorations en Inde, dans certaines villes en Inde. Hein, ils vont se laver dans le Gange, hein, dans le fleuve du Gange ou des choses comme ça. Donc tout ça, c'est des exemples. Et il y en a chez les bouddhistes aussi, il y en a chez les chrétiens qui font des pèlerinages à des tombes ou à des saints. Ou bien ils vont à Lourdes, au Vatican, ou bien au Cap de la Madeleine. Il y en a beaucoup, il y en a partout, ici et ailleurs. Et le cheikh, il explique ensuite, il dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait même averti les musulmans à ce sujet. Wa alaykum salam wa rahmatullah. De ne pas prendre sa tombe comme un Eid. Hein? Il dit, la tattakhidhu qabri Eidan. C'est-à-dire, ne prenez pas ma tombe pour un Eid. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, ne prenez pas ma tombe pour un endroit d'adoration dans lequel vous vous réunissez régulièrement. Hein? Parce que c'est quelque chose qui va ramener à de l'extrémisme et à de l'exagération. Et donc, le cheikh, il dit que c'est pour ça que les sahaba, hein, radiyallahu anhum, lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est mort, ils ne s'assoyaient pas auprès de la tombe du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ils ne se tenaient pas non plus devant, et ils ne faisaient pas, yani, de rassemblement autour de sa tombe. Le cheikh explique que la seule chose qu'il faisait, c'est lorsqu'il revenait d'un voyage à Médine, hein, lorsqu'il était parti, ils étaient allés en voyage, puis quand ils reviennent à Médine, eh bien, ils viennent, puis ils font le salam sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est tout. D'accord? Et la question a été posée, justement, il y a une question en note de bas de page à ce sujet-là. Su'ila shaykhuna hafidhahullah amman yadhhab ila al-madinati li ziyarat al-masjid al-nabawi wa al-salat fihi thumma yadhhabu lis-salam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam marrat mutakarrira في اليوم الواحد هل يعتبر ممن جعل قبره عيدا فأجاب نعم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إذا كرر الزيارة للرسول صلى الله عليه وسلم للسلام عليه فقد اتخذ اوكي سي لو فرير يوسف كي avait oublié ما شاء الله نو يا با دو بروبليم نعم فقد اتخذه عيدا وأما إذا سلم عليه أول ما قدم من السفر فهذا سنة يسلم عليه أول ما يقدم من السفر ويكفي وأما أن يتردد عليه ويسلم عليه كلما دخل المسجد فهذا من اتخاذه عيدا لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يترددون على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يفعلون هذا إذا قدموا من سفر ذهبوا وسلموا عليه انتهى كلامه. Donc ici le cheikh, on lui a posé la question à propos de la personne qui va à Médine pour visiter la mosquée du prophète صلى الله عليه وسلم. Et on voit ici que la question, elle est bien posée, parce que qu'est-ce qui est légiféré, c'est de visiter la mosquée du prophète et non pas la tombe du prophète. Donc ça, c'est important de le mentionner. Et ensuite, la personne, elle dit, puis la personne, elle va là-bas donc pour visiter la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et pour faire la salat dans la mosquée. Puis ensuite, il va pour aller donner le salam au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, mais il le répète plusieurs fois dans la même journée. Est-ce que ça fait partie de prendre la tombe du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme un Eid, comme un lieu de rassemblement? Et là, le cheikh, il répond, il dit oui. Si la personne, elle retourne lors de sa visite à Médine, à la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, elle retourne plusieurs fois dans la même journée pour aller faire le salam sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, alors elle l'a pris effectivement comme un Eid à ce moment-là. C'est pas bon. Il dit, lorsque tu viens, la première fois que tu arrives du voyage et que tu vas là-bas pour faire le salam, oui, ça c'est sunnah. Mais ça doit s'arrêter là. Tu ne dois pas répéter ça plusieurs fois. Hein? C'est seulement lorsque tu reviens du voyage la première fois, tu passes, tu fais le salam et c'est tout. Mais de répéter ça et de retourner constamment à chaque fois que tu rentres à la mosquée ou des choses comme ça, alors oui, à ce moment-là, tu l'as pris comme un Eid. Et les sahaba, ils ne faisaient pas ça. Et ils ne revenaient pas constamment à la tombe du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils le faisaient uniquement lorsqu'ils revenaient d'un voyage. Ils passaient et faisaient le salam, et c'est tout. D'accord? Donc, ça c'est un point important. Le cheikh, il dit, donc il ne doit pas y avoir de rassemblement devant la tombe du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Après, il dit, فلا تجوز العبادة عند القبور لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره لأن هذا وسيلة إلى الشرك بالله عز وجل وقد قال صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد وقال لا تتخذوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وحيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني وهذا العيد المكاني قد يكون شرعا أو قد يكون شرعيا وقد يكون بدعيا وشركيا فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن العيد البدعي الشركي الذي هو من أعياد الجاهلية ولم يشرع الله الاجتماع فيه للعبادة وإنما الجاهلية هي التي شرعتها قالوا لا يعني لما اتضح وتبين أنه لا محذور في هذا المكان ليس فيه وثن وليس هو من أعياد الجاهلية قال صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك donc ici le cheikh il dit qu'il n'est pas permis donc de faire des adorations près d'une tombe que ce soit la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou une autre. Et il dit, parce que ça c'est une chose qui peut être un moyen vers le shirk. Hein, ça peut amener les gens à tomber dans le shirk. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans une dua, « Oh Allah, ne rend pas ma tombe une idole qu'on adore. Oh Allah, ne rend pas ma tombe une idole qu'on adore. » Et il a dit dans un autre hadith, qui est rapporté par l'imam Ahmad dans sa Musnad. Il a dit dans ce hadith, ce qui signifie, yani, ne prenez pas ma tombe comme un lieu de rassemblement et ne prenez pas vos demeures ou ne faites pas de vos demeures des tombes ou des cimetières. Et là où vous êtes, eh bien, yani, priez sur moi, faites des doigts sur moi, pour moi. Parce que vos invocations, elles me parviennent. Où que vous soyez, hein. C'est-à-dire que c'est pas nécessaire de venir jusqu'à la tombe pour faire le salam au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même si tu es ici à Montréal et tu dis Allahumma salli wa sallim ala nabi sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, ça lui est transmis, ça lui parvient. Parce qu'il y a des anges qui lui transmettent le salam. Et le cheikh il dit ensuite, هذا العيد المكاني قد يكون شرعيا. Donc ce عيد qui est relié à un lieu, le rassemblement qui est fait dans un lieu, c'est possible que ce soit un rassemblement qui est légiféré, mais c'est possible également, comme on l'a mentionné, que ce soit un rassemblement innové, et dans lequel il y a du shirk, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit le Eid, hein, le rassemblement qui est fait basé sur la bid'a et le shirk. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Ana asif, yani nasit. Ma'al asif, Allah musta'an. Donc le cheikh il explique et il dit que yani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit les rassemblements sur le shirk et sur la bid'a comme les gens le faisaient dans la jahiliya. Et Allah n'a pas légiféré de se réunir, hein, dans les tombes ou dans les endroits où il y a des tombes pour faire des adorations. C'est seulement les gens de la jahiliya qui ont permis ça. Et le cheikh, ils ont dit, donc quand Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a posé la question, est-ce qu'il y avait une idole parmi les idoles? Est-ce que c'était un lieu dans lequel les gens se réunissaient, hein, pour, dans la jahiliya? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, quand il a posé cette question, les sahaba ont répondu non au messager d'Allah. Alors quand il a vu, hein, quand on lui a clarifié qu'il n'y avait aucun mal et qu'il n'y avait aucune interdiction, wa alaykum salam wa rahmatullah, il n'y avait pas d'interdiction à cet endroit-là, il n'y avait pas d'idole à cet endroit-là qui était adoré, il n'y avait pas de Eid parmi les Ayad de la Jahiliya qui était fait à cet endroit-là, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce moment-là, Awfi bi nadhrik, hein, vas-y, exécuter et respecte ton vœu, exécuter le vœu que tu avais fait d'égorger ce chameau à cet endroit-là. Et le cheikh Al-Fawzan, il dit, فَهَذَا فِيهِ دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ الْمُفْتِي يَتَثَبَّتْ قَبْلَ أَنْ يَصْدُرَ الْفَتْوَى وَلَا يَتَعَجَّلْ وَيَسْتَفْصِلْ مِنَ السَّائِلْ قَبْلَ الْإِجَابَةِ وَيَسْتَفْصِلْ مِنَ السَّائِلْ فالنبي صلى الله عليه وسلم استفصل وأما إذا استعجل المفتي فحري أن يجيب بجواب خطأ وتتخذ فتواه فتحا لباب الشر والعياذ بالله ولو لم يقصد هو فتكون زلة عالم وزلة العالم أشد على الناس من غيرها لأنها تتخذ فلا ينبغي للعالم أن يستعجل لئلا يزل والعياذ بالله حتى ولو لم يقصد فكيف إذا قصد الخطأ يعني وقصد الشر بالناس وقصد الهوى يعني هذا أشد فالفتوى خطرها عظيم ليس أمرها سهل وأمر مباح كل يفتي وكل يتكلم هذه من المصائب التي إذا تسوهل الناس فيها ظهر الشر في الأمة إذا تسهل الناس فيها ظهر الشر في الأمة في أمر الفتوى لا بد من الانضباط ولا بد من التحري والتدقيق ولهذا يقول الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله المفتي مثل الطبيب لا يصرف الدواء إلا في محله ولا يزيد في الدواء على قدر المطلوب لأنه لو صرف الدواء في غير محله يقتل أو صرف دواء أكثر من الحاجة يقتل فكذلك المفتي تكون فتواه مثل الدواء يضعها في محلها وفي قدرها ولا يتوسع فيها. Donc ici le cheikh il explique que yani il y a dans ce hadith la preuve dans la manière dont le mufti c'est celui qui répond à des questions sur la religion d'Allah et qui donne des fatwa, qui donne des verdicts religieux à propos de la charia. Donc là, dans ce hadith là on voit les manières que le mufti doit adopter dans ses fatwa. Et donc le cheikh il dit que le mufti, il doit donc vérifier avant de répondre et avant de donner une fatwa, il ne doit pas se précipiter. Il ne doit pas se dépêcher. Il doit demander des détails à la personne qui a questionné, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Ici, on voit, il n'a pas répondu directement à la personne. Est-ce que je peux aller exaucer mon vœu, égorger ce chameau à cet endroit-là? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas répondu « oui, vas-y ». Non. Il lui a posé des questions pour clarifier la situation, pour vérifier que tout est correct. Hein? Et donc, la personne qui donne des fatawas, hein, parmi les ulama, eh bien, il doit faire attention à suivre ces règles-là, et suivre cet exemple-là aussi, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait fait. Et de ne pas se précipiter à vouloir répondre tout de suite. Parce que c'est possible que s'il se précipite, il va répondre avec une réponse qui est incorrecte, qui est erroné, et que les gens par la suite prennent cette fatwa-là et que ça devienne une porte ouverte vers le mal. Voilà, yadu billah. Même si le mufti en question n'avait pas eu cette intention-là. Hein? Mais ça, c'est ce qu'on appelle zallatu alim. Zallatu alim, ça veut dire, yani, comme si la chute d'un savant ou il a glissé ou il s'est trompé, yani. Et il y a des gens qui vont parfois utiliser les erreurs des ulama dans leur fatwa pour se justifier dans des erreurs ou dans des péchés qu'ils veulent faire. Parce que, yani, le cheikh ou le alim, il a donné cette fatwa, mais cette fatwa, elle est incorrecte. Et eux, ils utilisent la fatwa pour se permettre de faire ça, alors que c'est une fatwa incorrecte. Donc ça ouvre une porte vers le mal. Et c'est pour ça que le cheikh, il dit, l'erreur du savant dans la fatwa, elle est plus dangereuse pour les gens que, yani, les autres. Hein? Parce que si c'est la fatwa d'un jahil, un ignorant qui parle de la religion, les gens vont pas la prendre en général. S'ils savent que c'est un ignorant qui parle, ils vont pas prendre au sérieux ou prendre en considération. Et donc le cheikh, il dit, c'est dangereux quand un savant se trompe comme ça dans les fatwas, parce que les gens vont prendre sa fatwa. Donc il faut que le savant, prenne son temps avant de répondre, il ne doit pas se précipiter. Même si il n'avait pas l'intention de d'égarer les gens ou de faire du mal aux gens, c'est grave quand même. C'est pas quelque chose à prendre à la légère. Même s'il n'a pas eu l'intention d'égarer les gens ou de faire en sorte que les gens suivent leur passion ou que les gens tombent dans le mal, c'est pour ça que la fatwa, c'est un sujet qui est extrêmement dangereux. Il y a beaucoup de gens, ils se précipitent à donner des fatwas. Hein? Et surtout parmi les étudiants, des fois. Non, c'est ça, c'est dangereux. À l'époque de l'imam Malik, c'est ça qu'on dit, hein? L'imam Malik, il avait demandé à 70 parmi les chouyoukhs de Médine avant d'avoir la permission de pouvoir donner des fatwas. Ça veut dire que les ulama avant, ils avaient peur. Ils ne voulaient pas s'avancer dans ça. Parce qu'ils savaient que c'était une grande responsabilité. Parce que quand tu donnes des fatwas, c'est comme si tu parles au nom de la religion d'Allah. Tu parles au nom d'Allah et de son messager. Donc, si tu dis n'importe quoi, ou si tu te trompes, ou si tu t'égares, tu risques d'égarer beaucoup de gens aussi. Et il y aura des conséquences lourdes à payer à cause de ça, au jour de la résurrection. Et les sahabas, parfois, on leur posait une question, et ils disent, allez demander à un autre. Et quand il va demander à l'autre, l'autre il lui dit, va demander à un autre. Hein? Jusqu'à ce qu'il revienne au premier. Hein? Ils se renvoient tous la personne. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de se prononcer dans ces questions-là pour éviter de faire des erreurs ou bien éviter d'égarer les gens. Donc c'est quelque chose de sérieux et de grave. Aujourd'hui, les gens, ils ne pèsent pas le poids de la gravité, à quel point c'est sérieux. Ils prennent ça à la légère. Non. Ça aussi, c'est un bon exemple. Il venait de l'Andalus. L'homme, il vient de l'Espagne jusqu'à Médine pour poser à l'imam Malik des questions. Il avait préparé sa liste de questions, environ 40 questions. Et à chaque fois qu'il posait une question à l'imam Malik, il disait « Allahu a'lam, la adri, je ne sais pas ». Alors, il était déçu à la fin parce qu'il n'a pas réussi à avoir beaucoup de réponses à ses questions. Et il s'était dit, c'est un des plus grands savants dans le monde à notre époque, à son époque. Donc, il s'était dit qu'il allait probablement trouver chez lui les réponses à toutes ses questions. Mais une fois arrivé là-bas, eh bien, l'imam Malik lui a dit, non, je ne sais pas, à la plupart des questions. Alors, l'homme a dit à l'imam Malik, qu'est-ce que je vais dire aux gens chez moi lorsque je vais retourner? Hein? Qu'est-ce que je vais leur raconter lorsque ils vont me demander qu'est-ce que l'imam Malik a dit? Eh bien, l'imam Malik lui a dit, tu leur diras que l'imam Malik, il ne sait pas. Hein? Donc, il n'y a pas de gêne. Il n'y a pas de gêne à ne pas savoir la réponse. ou à ne pas être capable de répondre. Si tu sais pas, c'est mieux de dire que tu sais pas que de répondre avec ignorance, hein? Tu peux pas dire n'importe quoi, c'est parce que c'est grave. Et ensuite, le cheikh, il explique que tout ce qui se passe à notre époque, hein, les gens, ils ont pris ça à la légère, les fatwas, puis tout le monde se permet maintenant de parler, de donner des fatwas. Hein, ils prennent ces choses-là à la légère. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de mal qui est apparu dans la Ummah à cause de ça. Donc il faut que les fatwas soient réglementées. Et il faut qu'il y ait, des principes qui soient respectés par rapport à la fatwa. Et il faut que ce soit quelque chose qui est fait avec précision, hein, avec le fait de vouloir chercher la vérité, trouver la vérité, et non pas juste de répondre à n'importe quelle manière. Et l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, il a écrit un livre, hein, qui s'intitule إعلام الموقعين عن رب العالمين. إعلام الموقعين عن رب العالمين. Le titre exprime l'idée même de la grandeur ou de la gravité du sujet. C'est comme s'il dit al muwaqqi'in, ça vient du mot tawqi'. Tawqi', c'est la signature. Lorsque tu vas, par exemple, signer un contrat, tu mets ta signature en bas. Hein? Tawqi'. Donc, al-muwaqqi'in, c'est le pluriel de al-muwaqqi'. C'est-à-dire celui qui signe. I'lam al-muwaqqi'in an rabbi al-alamin. C'est comme si tu signes pour Allah Azza wa Jal quand tu donnes une fatwa. Donc, dans ce livre, I'lam al-muwaqqi'in, il donne les règles, hein, qui ont rapport à la fatwa. Et comment on donne des jugements religieux et les règles qui sont reliées à ça. Et donc, dans ce livre-là, il a cité ici le cheikh une parole de l'imam Ibn al-Qayyim. Il dit, le mufti, c'est comme un médecin. Hein? Et il dit, il ne doit pas donner un médicament, excepté si le médicament, il est approprié. Il ne doit pas donner trop non plus la quantité. Il doit se limiter à la quantité qui est voulue, qui est exigée. Et d'ici la personne, elle donne le médicament qui n'est pas approprié, ça risque de tuer la personne. Et si il donne trop de médicaments, hein, une quantité trop grande à la personne, ça risque de la tuer aussi. Et donc c'est pour ça que le mufti, quand il donne sa fatwa, eh bien c'est un petit peu comme le médicament. Quand le médecin donne un médicament, il faut qu'il l'admette et qu'il la donne de la façon appropriée à la quantité appropriée. Il ne doit pas se permettre donc de faire n'importe quoi dans ces choses-là. Et aussi par rapport à ça, c'est un exemple. L'autre jour, il y a quelqu'un on discutait justement à ce sujet-là pour savoir, parce que des fois, il y a des gens qui, lorsqu'ils cherchent des réponses sur un sujet, sur une question en islam, ils vont aller parfois sur Internet, soit sur Google ou bien soit sur YouTube, puis ils cherchent des fatwas. Et cette méthode-là, c'est dangereux aussi. Parce que des fois, tu vas tomber sur des réponses de différentes personnes, et les personnes qui répondent, tu ne sais pas nécessairement quelle est leur méthodologie, quel est leur manhaj, et sur quel usul ils se basent, sur quel fondement. Donc il y a des gens, ils peuvent tomber sur des shuyur qui sont des soufis, qui sont des shi'a, qui sont des gens de bid'ah, et ils ne seront même pas distingués. Ils ne seront pas distingués parce qu'ils n'ont pas la connaissance nécessaire pour être capables d'analyser. Et aussi, les gens de bid'ah, souvent, ils se cachent. C'est-à-dire, ils ne laissent pas paraître leurs innovations à tout le monde. Hein? Et comme les salafs ont dit, les gens de Bid'a sont comme des scorpions. Ils cachent leur corps dans le sable, hein, et ils laissent juste l'aiguille à l'extérieur qui est sortie. Et lorsque tu t'approches, et là, ils te piquent. Hein. Donc c'est pour ça que, yani, il faut faire attention aux innovateurs. Et les ulama, ils disent, comme l'imam Ibn al-Qayyim, il l'a dit, les ulama sont comme des médecins. Et les médecins, c'est la même chose. Comment tu vas savoir que tu dois aller te faire traiter chez tel ou tel médecin? Est-ce que toi, tu as la capacité de juger entre l'aptitude d'un médecin ou son inaptitude, ou de savoir de quel médecin tu peux prendre et de quel médecin tu ne dois pas prendre? Tu ne peux pas faire ça. Parce que tu ne connais pas la différence entre le bon médecin et le mauvais médecin, nécessairement. Et tu ne peux pas les juger ou juger entre eux. Mais les médecins se connaissent entre eux. Hein? Et c'est pour ça que lorsque tu veux savoir par rapport à un médecin en particulier, eh bien, tu peux toujours te référer au collège des médecins, ou bien tu peux demander à d'autres médecins s'ils ont un médecin à te référer. Et peut-être que ça c'est une méthode qui est plus correcte pour voir, par exemple, en ce qui concerne les traitements et la médecine. Et la même chose pour les ulama. Tu veux savoir, est-ce que tu dois prendre de tel cheikh ou non? Eh bien, regarde, qu'est-ce que les ulama ils disent de ce cheikh? Et regarde, est-ce que ces ulama, ils conseillent de se référer à ce cheikh-là? Et est-ce qu'ils encouragent de prendre de ce cheikh? Si c'est le cas, alors prends de lui. Mais si c'est pas le cas, alors prends pas. Hein? Parce que les gens aujourd'hui, depuis que quelqu'un il a une apparence, depuis que quelqu'un hein, il parle bien, les gens se disent, ah bon, ça veut dire qu'on peut prendre de cette personne. Et ils ne vont pas tenir compte de ses fondements, de sa méthodologie et de sa façon de comprendre, ou bien d'où est-ce qu'il a étudié, c'est qui ses chouyours, avec quel chouyour il a étudié, et ainsi de suite. Alors, ce qui arrive à la fin, c'est que souvent les gens, ils sont séduits par une personne à cause du bien qu'il a en lui et qu'il met de l'avant. Mais petit à petit, celui-là va leur donner un petit peu de poison. Hein? Et du fait que ça vient par petite quantité, et que ça ne vient pas tout d'un coup, comme on dit, eh bien, ils l'absorbent sans même s'en apercevoir, et puis ils finissent par s'égarer finalement. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Hein? Quelqu'un va dire, oh, mais j'ai écouté une conférence sur YouTube, il disait que des bonnes choses. Oui, dans cette conférence-là, mais est-ce que tu as écouté toutes les milliers de conférences qu'il a fait dans d'autres sujets, et surtout dans les questions d'aqida, est-ce que tu as vérifié que qu'est-ce qu'il disait, c'était en accord avec l'aqida des salafs et la voie d'Ahl-Sunnah? Donc fais attention à ça. Hein? Fais attention à ces choses-là. Peut-être que toi, tu n'es pas au courant, mais les ulama, ils savent. Hein? Et les chouyours, ils savent. Donc ça, c'est un petit point en passant à ce sujet qui est important. Donc, ensuite, le cheikh, il dit, قَالَ وَأَوْفِ بِنَذْرِكَ وَهَذَا فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ الْوَفَى بِالنَّذْرِ إِذَا كَانَ نَذْرُ طَاعَةٍ وَلِهَذَا قَالَ فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ لأنه لو كان هذا المكان فيه وثن أو فيه عيد من أعياد الكفار صار معصية لله عز وجل فلا يجوز الوفاء به وأما لما كان خاليا من ذلك صار نذر طاعة لأن أصل الذبح عبادة لله عز وجل فهو طاعة فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه ابن آدم فالشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم منع من الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله وإن كان الذابح لا يقصد إلا الله عز وجل ولكن هذا فيه تشبيه بالمشركين وفيه وسيلة min wasa'il ash-shirk. Donc le cheikh, il répète encore la partie du hadith quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit vas-y, exécute ton vœu. Et il y a la preuve donc qu'une fois que vient le moment de mettre en exécution et d'être fidèle à notre vœu qu'on avait fait, eh bien, si c'est un vœu qui implique une obéissance à Allah, il faut le faire. Hein? Si tu dis, si une personne elle a dit, je m'impose à moi-même de sacrifier un mouton pour Allah Azza wa Jal chaque année ou l'année prochaine. Alors l'année vient, alors maintenant tu es obligé de le faire parce que tu as fait le vœu que tu allais le faire. Ou bien si tu dis, oh Allah, je te demande par exemple de me faciliter d'avoir un enfant. Et si tu me donnes un enfant, je vais jeûner pendant 2 mois consécutifs. Allah Azza wa Jal, il te donne un enfant. Maintenant, tu dois respecter ton vœu. Le nadr que tu as fait de jeûner pendant 2 mois. Et c'est important que le nadr soit fait pour Allah, pas pour une créature ou pour une tombe ou un homme pieux ou comme le font les gens de bid'ah et les mouchriquins qui font des vœux à des tombes ou à des morts et des choses comme ça. Donc ça c'est important de comprendre ça. Après donc le cheikh il dit il faut pas que ça implique un péché. Si quelqu'un dit je m'impose à moi-même de tuer un tel ou de le frapper ou de lui faire du tort parce que il y en a pour telle ou telle raison, alors t'as pas le droit de mettre en exécution ce vœu là parce que ça implique que tu vas faire quelque chose qui est haram et c'est un péché. C'est pour ça que si tu t'es fait le vœu de faire quelque chose de haram, donc t'as pas le droit de l'exécuter. À ce moment-là, ça devient haram de l'exécuter. Et la preuve, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé, il a dit à la fin du hadith, qu'il n'y a pas de respect pour un vœu qui est dans la désobéissance d'Allah Azza wa Jal. Et la preuve, c'est que donc si à l'endroit où il y avait une idole, ou bien un endroit où il y avait une fête, ou un rassemblement des kuffars, ça c'est un péché, une désobéissance d'Allah, eh bien on n'aurait pas le droit d'aller respecter ce vœu-là à cet endroit-là, puisque ça impliquerait quelque chose de haram. Et également aussi que le vœu qu'on a fait, tu ne peux pas le faire si ça implique que tu dois prendre ce qui ne t'appartient pas. Hein? C'est comme si tu dis, je m'impose à moi-même de donner en sadaqa, par exemple, je sais pas moi, tu vas dire, je vais donner en sadaqa la voiture d'un tel. Hein? Je vais donner en sadaqa la voiture de l'autre. Elle n'est pas à toi, tu ne peux pas la donner en sadaqa. Hein? Tu peux seulement donner en sadaqa ce qui t'appartient à toi. Donc, le cheikh, il a mentionné ça comme exemple. Et il dit donc, qu'est-ce qu'on veut tirer de ce hadith-là? C'est que le professeur Salam a interdit de faire un sacrifice pour Allah dans un endroit dans lequel on égorge pour autre que Allah. Même si la personne, elle va le faire dans le but de d'égorger que pour Allah. Mais puisque c'est un endroit dans lequel il y a des gens qui viennent faire du shirk à cet endroit-là et qui égorgent pour autre que Allah, alors tu ne dois pas aller le faire parce qu'il y a une ressemblance aux mushrikin dans le fait d'égorger à cet endroit-là. Toi, tu vas aller là-bas pour égorger pour Allah. Mais les gens qui vont te voir aller égorger là-bas, eux, ils vont s'imaginer que tu égorges pour les idoles. Hein? Pour imiter les mushrikin. Donc ça devient une porte vers le shirk et un moyen de tomber dans le shirk, donc c'est pas permis à ce moment-là. Donc pour expliquer la suite par rapport à ce hadith qui est rapporté selon Abu Daoud, il dit wa isnaduhu ala shartihima. Ala shartihima, c'est-à-dire que la chaîne de transmission du hadith de Abu Daoud, elle respecte les conditions يعني الإمام الشيخ اللي دي على شرطهما, c'est-à-dire يعني elle respecte les conditions de leurs deux conditions, les conditions aux deux, hein, aux deux, c'est qui les deux, les conditions d'Al-Bukhari et Muslim, c'est ça que ça veut dire. Le Cheikh Al-Fawzan, il dit à ce sujet-là, il dit ala shartihima ay ala shart al-shaykhain al-Bukhari wa Muslim wa ma'nahu an al-hadith yantabiq alayhi shart al-Bukhari wa Muslim lakin lam yukhrijahu fi al-sahihain li anna hunaka ahadith laysat fi al-sahihain wala fi ahadihima walakin yantabiq alayhima shart al-shart min haythu al-sihha ay sihhat al-sanad. Donc, qu'est-ce que le cheikh il explique ici? Il dit que, bon, le hadith, il respecte les conditions des deux cheikhs. Les deux cheikhs dont on parle, c'est le cheikh, l'imam al-Bukhari et l'imam muslim. De quelles conditions il parle? Il parle des conditions d'authenticité qui ont été établies pour les livres de al-Bukhari et muslim dans leur sahih. L'imam al-Bukhari, il avait des conditions qu'il a établies et qu'il a respectées dans le rassemblement des hadiths authentiques qui sont dans son livre. Et Muslim, la même chose. Et quand un hadith il respecte les conditions des deux cheikhs, on dit qu'il est muttafaq alayh. Hein? C'est-à-dire les musulmans sont d'accord. La Ummah est d'accord sur l'authenticité de ce hadith-là. Et le cheikh explique que le hadith en question, il est rapporté par Abu Daoud. Mais il respecte les conditions des deux cheikhs. Il respecte les conditions d'authenticité de Al-Bukhari et de Muslim. Et ils ne l'ont pas rapporté. C'est-à-dire qu'Al-Bukhari et Muslim n'ont pas rapporté ce hadith-là. Mais, malgré tout, la chaîne de transmission respecte les conditions d'authenticité des deux cheikhs. Et ça, c'est un point important. Ça veut dire que l'imam Al-Bukhari et l'imam muslim, ce n'était pas leur intention de réunir tous les hadiths authentiques qui existent. C'était uniquement de rassembler un nombre de hadiths parmi les hadiths authentiques pour les mettre dans leur livre et qui respectent les conditions qu'ils ont établies. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres hadiths authentiques en dehors de leur livre qui respectent leurs conditions, mais qu'ils ne les ont pas rapportés ni Al-Bukhari, ni Muslim. D'accord? Donc ça, c'est important. Parce qu'une fois, j'ai entendu un individu qui parlait et il disait à propos d'un hadith authentique, « Ah, mais il n'est pas rapporté par Al-Bukhari et Muslim. » En voulant dire, il n'est pas authentique parce qu'il n'est pas dans Al-Bukhari et Muslim. Et ça, c'est incorrect de penser de cette façon. Parce qu'il y a des hadiths authentiques qui ne sont pas dans Al-Bukhari et Muslim. D'accord? Et qui respecte même les conditions d'Al-Bukhari muslim. D'accord? Ensuite, le cheikh, il dit, donc c'est ça, ce point-là. Ensuite, il explique, il dit, « Wa qawluhu an Thabit ibn al-Dahhak, ay, ibn Khalifat al-Ashhali, sahabiyun mashhur, yani, rawa an Abu Qilaba wa ghayrih, mata sanata 64. » Donc, Thabit ibn al-Dahhak ibn Khalifat al-Ashhal, c'est un compagnon qui est célèbre. Hein? Et il a rapporté les hadiths de Abu Qilaba et d'autres également. Et il est mort en l'an 64 de la Hijra. Il dit, « Wa qawluhu bibawana, yani bidham al-ba, bibawana, bidham al-ba, wa qila bifathiha, bibawaniha. » بفتحها يعني ببوانا وقال البغوي موضع في أسفل مكة دون يلملم وقال أبو السعدات ابن الأثير يعني هضبة من وراء ينبع وقوله هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد. نعم. Donc ici le cheikh explique que les ulama ils ont mentionné à propos du nom de l'endroit où la personne voulait aller faire son sacrifice, que ça s'appelle soit, on dit soit Bouana ou Bawana, soit avec la Dhamma ou avec la Fatha. Et Al-Baraoui, un des ulama, il a situé cet endroit-là comme étant un endroit qui est yani, sous Mecca et avant Yalamlam. Alaykoum salam wa rahmatullah. Et Abu Sa'adat ibn al-Athir, un autre savant, il a dit que c'est proche de Yambour. Hein? Un peu après Yambour. Yambour, c'est une ville qui est pas loin de la Mecque, mais en direction de la mer Rouge. Hein? En direction de la mer Rouge. Et donc le cheikh, il cite ensuite donc, la partie du hadith. Là, on lit l'explication du cheikh Abdurrahman ibn Hassan. Il dit فهل كان فيها وثنا يعبد او من اوثان الجاهليه يعني فهل كان فيها وثن من اوثان الجاهليه يعبد فيه المنع من الوفاء بالنذر اذا كان في المكان في المكان وثن ولو بعد زواله. Donc il dit, quand le prophète صلى الله عليه وسلم demande est-ce qu'il y avait une idole à cet endroit-là dans la jahiliya que les gens adoraient, et le cheikh il dit que on peut tirer de ça que il est interdit d'exécuter un vœu à un endroit dans lequel il y avait une idole, même après avoir retiré cette idole-là. Et le cheikh Al-Fawzan, il explique, premièrement à propos de la région, de l'endroit où se trouve la ville de Bouana, ou le lieu de Bouana, il dit « Qawlan ». في تحديد موضعها قيل عند يلملم وهو ميقات أهل اليمن وقيل عند ينبع البلد المعروف. Donc il y a les deux explications qu'on a mentionnées. Après l'explication ensuite, il dit ولو بعد زواله لأنه باب فتح يعني بعد فتح مكة زالت الأوثان أزالها صلى الله عليه وسلم وهدمها وطهر الأرض منها. ولكن إذا كان هذا المكان سبق في الجاهلية أنه محل وثن فلا تجوز أن يقصد لأن هذا فيه إحياء لأمور الجاهلية أو إحياء للشرك فكيف إذا كان الوثن موجودا الأمر أشد. وسئل شيخنا حفظه الله كيف نجمع بين جواز تحويل الكنائس إلى مساجد وبين قول المؤلف في المنع من اتخاذ آثار المشركين محلا للعبادة. فأجاب يعني أن أصل الكنائس أنها يصلى فيها لله، لأن النصرانية أصلها دين سماوي، وإن كانت قد غيرت ودخلها التحريف بخلاف الأوثان فأصلها شرك. انتهى كلامه. أي نعم. Donc ici, le cheikh, il explique que yani, on peut pas, on n'a pas le droit d'aller faire une adoration dans un endroit dans lequel on adorait des idoles, même après avoir retiré l'idole. Et le cheikh explique, il dit, parce que ça ouvre une porte, hein, il dit, c'est-à-dire, si tu va faire des adorations à cet endroit-là, ça ouvre une porte pour faire revivre l'adoration de cette idole ou bien le shirk de la jahiliya. Et il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir conquis la Mecque, il a retiré toutes les idoles qui étaient à la Mecque et il a purifié la terre de tout ce qu'il y avait de shirk là-bas. Parce qu'à la base, la Mecque, c'est pas une il n'y avait pas d'idole. À la base, à la Mecque, il n'y avait pas d'idole ni d'idolâtrie. Parce que c'est Ibrahim alayhi salam qui l'a bâti avec son fils Ismaïl pour l'adoration d'Allah. Hein? C'est pas un lieu d'idolâtrie à la base. Il dit walakin, yani, إذا كان هذا المكان سبق في الجاهلية أنه محل وثن فلا يجوز أن يقصد. Si c'est un endroit par contre qui est, dans lequel il y avait une idole, ou un endroit où les gens allaient dans la jahiliya pour adorer une idole, et donc on n'a pas le droit d'aller cibler cet endroit-là spécifiquement pour aller faire une adoration en particulier. Parce qu'il y a dans ça le fait de faire revivre des pratiques de la jahiliya et de faire revivre le shirk. Donc, s'il y a une idole encore présente, alors c'est encore plus grave. Et on a posé la question au cheikh en note de bas de page. Comment pouvons-nous rassembler entre le fait qu'il est permis de transformer une église en mosquée et la parole de l'auteur ici lorsqu'il dit qu'on ne doit pas prendre les reliques ou les restants des lieux de shirk, des mouchriquines, comme endroit pour adorer Allah. Et le cheikh, il a répondu à ce sujet-là en disant que les églises, à la base, elles sont bâties dans le but d'adorer Allah Azza wa Jal, parce que à l'origine, la religion chrétienne, c'est une religion céleste, même si elle a été déformée et changée et qu'elle a été falsifiée. Contrairement aux religions des mouchriquines qui à la base sont établies sur le shirk. Donc la religion d'Isa alayhi salam, c'est le tawhid à la base. Donc c'est dans ce sens-là. Après, le cheikh, il dit wa huwa ash-shahidu fi at-tarjama. قال المصنف وهو الشاهد في الترجمة. يعني وهو يعني الشيخ محمد في مسائله. Donc c'est ça qu'on veut tirer du titre. Ça explique le titre. Ce hadith-là explique le titre. Et le cheikh, il dit ensuite قوله فهل كان فيه عيد من أعياد الجاهلية يعني عيد من أعيادهم. قال شيخ الإسلام العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائد إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر ونحوه، والمراد به هنا الاجتماع المعتاد من اجتماع أهل الجاهلية. فالعيد يجمع أمورا منها يوم عائد كيوم الفطر ويوم الجمعة، ومنها اجتماع فيه، ومنها أعمال تتبع، وذلك من العادات أو العبادات. وقد يختص العيد بمكان بعينه وقد يكون مطلقا، وكل من هذه الأمور قد يسمى عيدا. فالزمان كقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة إن هذا اليوم جعله الله للمسلمين عيدا، والاجتماع والأعمال كقول ابن عباس يعني شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمكان كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا. وقد يكون لفظ العيد اسما لمجموع اليوم والعمل فيه وهو الغالب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا انتهى. Donc ici, le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il explique le hadith qu'on vient juste d'expliquer, mais de façon plus résumée. Et il cite une parole de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah à propos de la définition du mot « Eid ». Et on a expliqué tout à l'heure déjà que le « Eid », c'est qu'est-ce qui revient et qu'est-ce qui se répète. Et ça peut être quelque chose qui se répète annuellement, ou hebdomadairement, ou mensuellement, et ainsi de suite. Et il y a des rassemblements, ou il y a des moments, et il y a des lieux dans lesquels les gens se réunissent, et dans lesquels ils se rassemblent. Soit que c'est des rassemblements de la jahiliya, donc des choses que les gens de la jahiliya se pratiquaient, ou des kuffars, ou des mushrikines, ou des fêtes, on en voit beaucoup chez les juifs et chez les chrétiens, ils ont des fêtes annuelles, des fêtes hebdomadaires, et ainsi de suite. Donc tout ça c'est des exemples d'Ariad, et le cheikh il expliquait, comme on l'a expliqué tout à l'heure, que ça peut être légiféré, comme ça peut être des fêtes qui sont innovées, ou qui sont des fêtes de shirk, ou des rassemblements pour le shirk et la bid'a. Et il dit que ça peut concerner également un jour qui se répète ou des actions qui sont pratiquées ou des adorations qui sont faites. Et ça peut être spécifique à un endroit ou à un lieu. Et ça peut être utilisé de façon générale. Et le cheikh il dit à ce sujet-là, « Min al-a'yad al-muharrama, a'yad al-munasabat, mithlu id munasabat al-mawlid al-nabawi, wa id munasabat al-nasr, aw al-julus ala al-arsh. » وكل هذه أعياد جاهلية سواء كانت زمانية أو مكانية ليس للمسلمين إلا عيدان عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الجمعة في الأسبوع لأن الجمعة عيد أسبوعي سميت عيدا لأن الناس يجتمعون فيها لصلاة الجمعة. Donc ici le cheikh il explique que il y a des Aïd ou des Aïad, le pluriel du mot Aïd c'est Aïad, il y a des Aïd qui sont interdits. Et c'est des Aïad qui sont dans certaines occasions qui se répètent, hein, comme le Aïd du Mawlid al-Nabawi, célébration de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça fait partie des bid'ah, des innovations. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais célébré ça. Ni les sahaba, ni les tabi'in, ni les tabi'i tabi'in, ni les imams des madahib, Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmad, ni les ulama de hadith qui ont ramassé la sunna pour nous, yani al-Bukhari, Muslim, Abu Daoud, al-Nasa'i, al-Tirmidhi, Ibn Majah. Yani, on n'a jamais cité aucun d'entre ces ulama qui ont mentionné, par exemple, al-Mawlid al-Nabawi. Donc ça n'existe pas dans les meilleures générations de l'islam. Et c'était une pratique qui a été innovée des siècles après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'époque des Fatimiyya en Égypte. Et ça a été hérité par la suite par des gens de bid'a qui l'ont propagé dans différents pays, des pays musulmans, jusqu'à ce que ça soit pratiqué aujourd'hui dans la plupart des pays musulmans. Et certains pays en font même un jour férié. N'empêche que c'est une bid'a parmi les bid'a. Et c'est interdit de le célébrer. Et c'était pour, à la base, imiter les chrétiens qui ont fêté Noël. Et même Noël chez les chrétiens, c'est une bid'a. Parce que Jésus n'a jamais célébré Noël. Ni les compagnons de Jésus. Et je ne sais pas à quelle époque les chrétiens ont inventé ou commencé à célébrer qu'est-ce qu'ils appellent Noël. Chose certaine, Noël tel qu'il est pratiqué aujourd'hui, ça fait pas longtemps que ça existe. Ala kulli hal, yani, ça c'est des exemples de bid'a. Il y a d'autres bid'a qui sont inventés aussi. Il y en a qui célèbrent al-Isra ou al-Mi'raj. Il y en a qui célèbrent d'autres occasions aussi. Il y a des fêtes, il y a des célébrations qui se font dans des pays aussi musulmans, le jour national de chaque pays. Par exemple, ils vont dire la célébration de l'indépendance des pays ou du jour national. Ça aussi, ça rentre dans les innovations parce que ça ne fait pas partie de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, ni les sahaba. Et puis, c'est en résumé tout ça, il n'y a pas de fête. En islam, il n'y a que deux fêtes. L'Aïd al-Adha et l'Aïd al-Fitr et le Jumu'a qui est l'Aïd de la semaine. Oui, le rassemblement. Toutes les autres célébrations qui existent, eh bien, ça, c'est des innovations et c'est interdit de les célébrer pour les musulmans. Même si les gens le font, ça ne veut pas dire que c'est permis. Hein? Parce que les gens, aujourd'hui, se permettent toutes sortes de choses qui ne font même pas partie de l'islam. Oui, non, c'est ça. Oui. Oui, c'est ça. Exactement. Oui, il y a des imams qui appellent à ça, donc malheureusement, ça donne l'impression aux gens que ça, c'est des choses permises. Mais yani, c'est clair que c'est haram. Et on a fait plusieurs cours sur ce sujet-là. Hein, et des khutab de Jumu'ah aussi à chaque année. Quand vient l'occasion, on en parle. Ben c'est ça, les anniversaires c'est la même chose. Les anniversaires de naissance à chaque année que les gens font, ils font comme par exemple, ils fêtent l'anniversaire, ils achètent un gâteau, puis ils mettent des bougies dessus avec le nombre de jours ou le nombre d'années de la personne, et puis ils offrent des cadeaux. Ça, tout ça, c'est interdit en islam. C'est interdit parce que ça ne fait pas partie de l'exemple des prophètes. Hein? Et les messagers d'Allah, ils n'ont jamais célébré les anniversaires de ni leur propre anniversaire à eux, ni les anniversaires des autres. C'est une année de moins, donc. Exactement. En fait, tu ne devrais pas fêter ta fête, tu devrais plutôt t'attrister. Parce que quand il y a une année qui passe, c'est une année de moins dans ta vie. C'est comme une chandelle. Une fois que tu l'allumes, la chandelle, elle diminue au fur et à mesure qu'elle brûle, elle n'augmente pas. Donc, quand ta vie, elle diminue comme la chandelle qui brûle. Exactement. Et donc, tu dois pas te réjouir d'avoir une année de plus, mais tu dois plutôt t'attrister parce que ta fin, elle s'approche. Et donc, ça veut dire, prépare-toi à ce qui t'attend, c'est-à-dire après la mort, en faisant les bonnes œuvres et en t'écartant des péchés, plutôt que de faire des célébrations et de fêter ces choses-là. Et souvent, tu vois que c'est les enfants qui pensent à ces célébrations-là, parce que quand ils sont jeunes, ils ne pensent pas aux réalités de la vie, mais quand ils deviennent adultes et qu'ils commencent à prendre de l'âge, là ils commencent à, hein, c'est comme si on est arrivé en haut de la montagne, là après on commence à descendre, et là on réalise que yani, chaque année qui passe, eh bien c'est une année qui nous rapproche de la tombe. Et là, au lieu de devenir de plus en plus fort, on devient de plus en plus fatigué, de plus en plus faible. Donc, c'est plus pareil à ce moment-là. Allah Mustan. Non. En fait, il jeûnait le lundi, mais il n'a pas dit qu'il faisait ça pour fêter sa naissance. Non, pas pour fêter. Oui, non, c'est ça. Il a dit que ça, c'est une journée. C'est le jour dans lequel je suis né, oui. Pas annuel comme il prend. Non, c'est ça. Ouais. Exactement. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. On continuera la semaine prochaine ce sujet. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عز الدين.